Bonjour, c'est Laure Grand Besançon, la dame des Odyssées. Bonne nouvelle, les Odyssées sont devenues un livre. Calamity Jane, Marco Polo ou la découverte du tombeau de Toutankhamon, toutes ces fabuleuses aventures sont aujourd'hui réunies dans un livre magnifiquement illustré en coédition avec les arènes. Surprise et frissons t'attendent. Attention, ce n'est pas pour les froussards.